que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans le détail. La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Se demander si toutes les musiques ne sont pas soporifiques, c'est tout de suite répondre que non. Se demander si toutes les musiques peuvent faire rêver, c'est d'office se dire oui, forcément. Mais si on est d'accord pour dire que les musiques peuvent faire rêver, peut-on s'entendre sur ce à quoi telle ou telle sonate fait rêver ? Chacun peut toujours se faire un film, mais si un tel fait son rêve tout seul dans son coin, il devra aller lui-même fouiller dans son fort intérieur ce que ses rêves peuvent lui dire. Encore faut-il que les rêves veulent dire quelque chose. Peut-être ne sont-ils que des images flottantes, sans rapport les unes avec les autres, sans rapport même avec la vie du rêveur. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'ils auraient quelque chose à voir avec la musique. Alors, comme il peut y avoir beaucoup à se demander sur la signification des rêves et ce que la musique peut venir exciter ou non contenir à leur sujet, nous recevons cette semaine dans Métaclassique trois invités, l'historienne des rêves Jacqueline Carrois, la musicologue Elisabeth Brisson qui vient de publier Alban Berg au miroir de ses œuvres aux éditions Aedam Musicae, et le philosophe de la musique Santiago Espinosa dont les ouvrages expliquent que la musique est inexpressive. C'est la première fois que Métaclassique est enregistré en public à la BPI, la Bibliothèque Publique d'Information, pour commencer une partition de Tartini qui raconte un rêve qui a même été commenté par Freud, la sonate L'étrille du diable de Tartini. Le violoniste Roy Chen avec l'Amsterdam Sinfonietta dans le début de cette sonate des Trilles du Diable de Tartini. L'astronome Jérôme Delalande raconte en 1786 qu'il tient une anecdote de Tartini. Une nuit en 1713, je rêvais que j'avais fait un pacte et que le diable était à mon service. Tout me réussissait à souhait, mes volontés étaient toujours prévenues et mes désirs toujours surpassés par les services de mon nouveau domestique. J'imaginais de lui donner un violon pour voir s'il parviendrait encore à me jouer de beaux airs, mais quel fut mon étonnement lorsque j'entendis une sonate si singulière et si belle, exécutée avec tant de supériorité et d'intelligence. Bonjour Jacqueline Carrois. Bonjour. Ce rêve a une grande postérité puisqu'il est abondamment joué après et qu'il est commenté par Freud. Oui, mais pas seulement par Freud, c'est-à-dire que ça devient véritablement un rêve qu'on répète tout le temps, tout le temps. Freud ne vient qu'à la suite d'une longue chaîne. Et pour Freud, je résume, donc, le diable, c'est les obscures puissances de l'inconscient. C'est ce qu'il dit. Mais on le trouve alors, sous deux versions un peu différentes. Il y a deux manières de le raconter au XIXe siècle. Soit il y a une manière merveilleuse où, en quelque sorte, Tartini se réveille et ça y est, il écrit la sonate du diable, ou bien en fait, c'est plutôt le récit qu'on a là, il se réveille, il oublie son rêve, et à ce moment-là, il essaye de le reconstituer, mais de façon un peu désespérée, parce qu'il ne retrouve pas la version de son rêve qui était si merveilleuse. Et au fond, on a une version, si vous voulez, merveilleuse au XIXe siècle, et puis une version peut-être plus réaliste, qui correspondrait par exemple aussi à ce qu'ont répondu certains musiciens lorsqu'on les a, au XIXe siècle, lorsqu'on les a interrogés sur leurs rêves. Par exemple, Vincent d'Indy a dit un petit peu qu'en fait, il ne rêvait pas à proprement parler, mais que le sommeil lui inspirait en quelque sorte sa musique dans certains cas. Mais l'idée que le rêve puisse être un lieu d'inspiration pour l'artiste, si je ne vous avais pas dit Tartini, si je ne vous avais même pas fait écouter la musique qu'on vient d'entendre, vous auriez quasiment pu en déduire qu'elle était jouée au XIXe siècle, parce que c'est bien une affaire de XIXe siècle. Là, en tous les cas, c'est une affaire, déjà, il faut que le rêve de que il y ait une réception de la musique baroque de Tartini au XIXe siècle, c'est-à-dire que c'est le moment où on commence à la redécouvrir, parce que sinon effectivement on ne voit pas pourquoi cette anecdote aurait eu une telle fortune, et elle va être racontée vraiment pendant tout le XIXe siècle, et par exemple aussi bien par des spirites, aussi bien par des philosophes qui la détailleront, aussi bien par des médecins. Et vous voyez, donc, elle va être vraiment partout, ce récit. Et puis, il va aussi y avoir de plus en plus de récits de rêves qui comportent de la musique, entre autres rêves. Vous nous avez apporté l'exemple d'un savant genevois qui s'appelait Pierre Prévost et qui, en 1826, écrit à propos de l'un de ses rêves. C'était un chant léger de petits vers badins et un court refrain fort gai. Je l'ai mis dans ma mémoire le mieux que je pus, mais en m'éveillant, je n'en ai retenu que ceci, il n'y a rien qu'un fil. Quelques temps après, toujours dans le même rêve, je retrouvais cette chanteuse en sa qualité de bonne, et en caressant son enfant, je lui rappelais les couplets. Elle me répondit de suite en badinant et me répétant le commencement du deuxième. « Oh oui, il n'y a qu'un fil, prononcé inia. » Et il écrit « prononcé inia ». Il a un souvenir phonique très précis. Oui, c'est dans un manuscrit donc, qui est à la bibliothèque de Genève. Il faut s'imaginer aussi cela, peut-être, prononcé dans le rêve avec l'accent genevois. Parce que, je me souviens d'une séance sur l'histoire des rêves qui était à Lausanne, pas à Genève. Hein, mais un de nos collègues l'a lu avec l'accent genevois. Et c'était assez, assez drôle. Donc, vous êtes aussi historienne de la psychologie, mm-hmm. Et vous avez relevé Victor Heeger, le cas d'un psychologue, mm-hmm. qui notait... Philosophe et psychologue, enfin philosophe de la psychologie alors. Mais à l'époque, si vous voulez, philosophie et psychologie sont un peu confondus, hein, mais Heeger a été professeur à la Sorbonne. Et il a été l'auteur d'une grande étude de 1881 sur la parole intérieure, qui est une thématique qui n'était pas si avancée que ça avant. Non, c'est vraiment, ça s'est apparu comme assez nouveau à l'époque. Et donc, en fait, il relie cette histoire de parole intérieure au rêve, parce que pour lui, il s'agit d'observer son intériorité. Et donc, ce qu'il essaye de traquer, c'est d'une part comment se déroulent ses rêves, et donc quand il se réveille, et puis qu'est-ce qui arrive au réveil de ses rêves. Donc, par exemple, il se réveille sur des mots incongrus, il y en a beaucoup. Et puis aussi, il s'intéresse, et c'est tout à fait intéressant, à ce qu'il appelle les distractions, c'est-à-dire c'est des sortes de lapsus ou de qui réapparaissent dans la journée, des coïncidences, il est à Angers, il voit enfin telle enseigne, etc. Donc là, il y a cette idée que alors d'ailleurs, il parle de tartinisme. Oui, Heeger, bien sûr. Et il fréquente, alors ça c'est assez intéressant, il fréquente un musicien, il est jeune prof de philo à Angers. Il fréquente un musicien qui s'appelle Cattermole, William Cattermole, qui fait des concerts à Angers à l'époque. Et il interroge Cattermole sur le rêve de Tartini, en lui disant comment ça se passe, est-ce que c'est possible, etc. Et alors après, parce que Cattermole lui raconte un rêve dans lequel, alors c'est pas un rêve de musique, mais dans lequel il est l'élève de Victor Heeger dans le rêve. Donc il y a une sorte de jeu assez drôle sur cela. Est-ce que rêver de musique, c'est rêver moins significatif? Mais je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Là, franchement, bon, je suis... On démêlera ça peut-être tout à l'heure avec Santiago et Espinoza. D'abord, bien préciser qu'on interprète les rêves depuis bien avant le 19e siècle, depuis même avant l'ère commune. À l'époque, un siècle avant l'ère chrétienne, il y avait Artémidore qui avait écrit une clé des songes. Oui, C'est ce qu'on appelait un onirocrite, un mot barbare. Onirocritique, oui. On parlait d'onirocritique. Et après, on parlera de Clé des songes au 19e. Et donc, Artémidore écrit une Clé des songes qui va se transmettre dans toute l'histoire occidentale, qui va être adaptée parce qu'il y a des passages un peu trop crus, alors on les supprime éventuellement. Et elle va être adaptée et elle va circuler pendant toute l'histoire occidentale. On parle d'interprétation théorématique, ça veut dire quoi ? Alors il y a deux sortes d'interprétations pour Artémidore. Il y a schématiquement, c'est pas une interprétation. Oui, si, c'est une interprétation, pardon. C'est-à-dire théorématique, c'est quand le rêve annonce ce qu'il montre. Par exemple, quelqu'un qui rêve d'un naufrage et après, il va y avoir un naufrage. Ça veut dire prémonitoire alors ? Oui, prémonitoire. Mais vous pouvez avoir un rêve prémonitoire qui est allégorique, c'est-à-dire que c'est un sens caché qui est annoncé. Donc il faut décrypter ce sens. Par exemple, vous pouvez avoir un rêve de naufrage qui va annoncer la mort. Oui, c'est une métaphore donc. Non, une allégorie. Une allégorie. Enfin, c'est le terme qui est utilisé en grec. Voilà. Donc, et là, du coup, pour interpréter ces rêves-là, bah, il faut avoir une clé des songes. Donc si je rêve que je conquiers l'Everest, ça a trois possibilités de signification. Soit je vais véritablement monter sur la montagne. C'est prémonitoire, théorématique, voilà. Oui, soit je vais surmonter un effort quelconque, oui. Soit ça veut rien dire. Ça pourrait aussi vouloir rien dire. Ou ça pourrait être simplement un souvenir qui revient un peu erratiquement. Voici l'Andante Amoroso de la suite lyrique d'Alban Berg dont on va s'entretenir dans un instant avec Elisabeth Brisson. Le quatuor Diotima dans cet extrait de l'Andante Amoroso de la suite lyrique d'Alban Berg. Bonjour Elisabeth Brisson. Bonjour. On pourrait dire que cette musique est onirique parce qu'elle ne dit pas tout, mais ce qu'on n'entend peut-être pas, c'est que les notes qui polarisent un peu le thème sont A et B, La et Si bémol, qui sont les initiales du compositeur Alban Berg, et les lettres H, F, qui correspondent aussi et au fin en gamme allemande, qui désigne Anna Fuchs, à qui il veut se lier presque autant qu'il lit les notes entre elles. Donc c'est une partition codée ? codé pour lui, c'est difficile à dire, c'est qu'il a pris comme matériau musical des éléments qui sont des éléments de la lecture anglo-saxonne des notes. Et pour lui, il est dans la lignée de Bach, de Schumann, de Liszt, de dire qu'on va prendre comme matériau, je dis bien musical, des éléments qui sont... qui ont trait à autre chose, puisque ces lettres sont les initiales de ses initiales à lui et ceux de son amoureuse, et qui de son celle qu'il aime et qu'il ne peut pas accéder à laquelle il peut pas accéder. Donc il va les lier les unes les autres dans son écriture musicale. Alors dans votre livre Alban Berg au miroir de ses œuvres aux éditions Aida Musicae, vous écrivez que chez Alban Berg, l'œuvre est l'équivalent d'un récit de rêve bien construit qui cache ce qu'il est interdit de faire savoir, ce qui ne pourrait être exprimé sans tomber sous les coups de la censure. Vision assez freudienne du rêve, alors. Oui, alors c'est justement, je ne sais pas, pour Berg, il ne l'a pas délibérément construit comme ça, mais il se trouve que sa façon de composer est très à l'image de ce qui se passe dans un récit de rêve. Un récit de rêve, comme on l'a dit, c'est quelque chose de même si on ne s'en souvient peut-être pas très bien, mais on essaye toujours de faire un récit, et il est très ce qu'on appelle le rêve qui est manifeste, hein, et qui cache quelque chose qui est complètement crypté, qui est ce que Freud appelle le rêve latent. Et Berg réussit donc à construire ce rêve manifeste avec des éléments très très précis, hein, pour cacher en fait ce que lui veut dire profondément. Comment on sait qu'il crypte alors ? Ah ben, il crypte de façon très très différente. Alors, il y a les lettres, hein, mais il y a aussi des nombres. Il a des nombres qui sont des nombres fétiches et qui ont une signification certainement pour lui. Il y a le 23, par exemple. Et alors, pourquoi le 23 ? Il y a peut-être une date. Et également, quand on voit les lettres de son papa, eh bien, ça fait 23. Donc, comme si son père était crypté dans sa façon de composer. Et il a, Berg a une façon très... incroyable de précision pour construire ce discours qui va être un discours manifeste et très cohérent, cachant. Ah oui, parce qu'il cache quoi alors ? Il cache toute ça, cet inconscient. Si c'est juste pour nous dire qu'il est amoureux d'Anna Fuchs, c'est... Beaucoup de détours pris pour un faible message, finalement. Sauf que, alors, Anna Fuchs, c'est un épiphénomène par rapport à sa propre vie intime. Et dans sa propre vie intime, il y a que son père est mort quand lui il avait 15 ans et que ça l'a, il a eu un gros choc. Et juste au moment de ce gros choc, il avait eu des relations sexuelles avec une servante de la maison dont il a eu une petite fille qui s'appelle Marie et qu'on lui a interdit, d'être un jeune père. Et ça a été la jeune fille a été éliminée de la maison. Et Berg, qui voulait se reconnaître comme père, il n'a même pas eu le droit d'en parler. C'était complètement quelque chose de caché. Et ça a été un traumatisme très, très, très, très profond dont il reparle pas souvent. Hein, qui fait que raviver des éléments qui sont fonciers pour tout un chacun et qui se traduisent dans les mots de Berg en allemand entre Wunde et Wunder. C'est-à-dire que Wunde, c'est ce qui est le magnifique, merveilleux, et Wunder, il y a juste une lettre de différence, hein, et qui fait que Wunder, c'est la blessure. Il y a sans arrêt cette tension entre le merveilleux et la blessure. C'est ce qu'il y a dans le fond. Et toutes ces vies, que ce soit avec sa femme Hélène ou avec Anna Fuchs, qu'il ne pouvait pas avoir parce qu'elle était mariée, etc. Donc, ça ravive ce qui est, en fait, sa structure psychique, on pourrait dire. Mais quand on fait l'analogie comme ça, de se dire qu'il est à la musique ce que l'inconscient est au rêve, est-ce que c'est une analogie dont il lui-même conscient ? ou qu'il organise tel quel selon je vous. Je crois il pas. Il connaît Freud. Hein. Il connaît Freud, sa sœur Smaragda, elle s'appelait Smaragda, qui était une patiente de Freud. Lui, il l'avait rencontré parce qu'il y avait des thés dans les maisons de campagne, ils étaient proches. Donc, un jour, la maman de Berg avait invité Freud et Freud avait de l'asthme aussi. Ça, c'était un problème, c'est qu'il y avait le souffle qui ne venait plus. Hein. Et Berg lui aurait, enfin pas Berg, pardon, Freud lui aurait conseillé d'aller faire une cure. D'aller faire une cure à je sais plus où, mais lui il a dû aller faire la cure, mais il s'est pas vraiment soigné. Et ensuite, quand sa femme Hélène, qui était très neurasthénique, elle était sans arrêt elle allait pas bien. Alors, ça, c'est encore toute une histoire. Je sais pas si c'est le lieu de le raconter, mais donc sa femme Hélène, elle a été persuadée qu'elle était une fille naturelle de l'empereur parce que la mère de Hélène et a été une des jeunes filles que l'empereur François-Joseph l'empereur François-Joseph avait sous sa main comme ça par un passage secret dans le palais. Ce qu'on peut se demander quand on écoute sa musique, c'est par conséquent qu'est-ce qu'on doit faire quand on écoute des informations qui semblent être là. Si on prend un lead que l'on va entendre maintenant, extrait de son opus 2, le troisième, on est censé entendre des cloches qui seraient, parce que le rêve est mis en abîme, celles dont rêve le dormeur, mais comme elles sont rêvées, elles sont ambiguës, et on ne sait pas si ce sont des cloches de victoire ou bien un glas funèbre. Et c'est tout le problème de l'attention et puis de l'inconscient. Je veux dire, dans l'inconscient, c'est toujours la victoire et la mort qui sont confondus. Hein. Mais il faut passer jusqu'à essayer d'écouter l'ambiguïté entre les deux, alors ? Ah bah, bien sûr. Nun ich der Riesen stärkste überfand, mich aus dem gutesten Land heimfand, an einer weißen Märchenland. Bonjour Santiago Espinoza. Bonjour David. Vous avez publié aux éditions Encre Marine un traité des apparences où vous consacrez quelques pages à Freud, pour qui vous dites « L'art partage avec le rêve le fait d'être un langage confus exprimant un contenu chiffré que l'analyste est capable de rendre manifeste, dévoilant le message crypté. » Or, pour vous, la musique a mieux à faire que de crypter les choses puisque par définition, elle ne délivre même pas un message. Oui, tout à fait. Freud avait un rapport assez particulier avec la musique. Disons qu'il avait un non-rapport avec la musique. Il n'aimait pas la musique. Il n'éprouvait aucun plaisir à l'écouter. Et il me semble que c'était même un rapport assez problématique avec l'art en général. C'est-à-dire que l'art ne l'intéressait pas en tant que tel, en tant qu'art, mais en tant que moyen d'expression des pensées, des désirs inconscients des artistes. Donc il le dit très expressément dans son livre sur le Moïse de Michel-Ange, où il dit « moi, les formes artistiques, bon, c'est pas ce qui me ravit le plus. Si je n'arrive pas vraiment à comprendre ce qui se passe dans la tête de l'artiste au moment où il crée quelque chose, je reste un peu pantois. Et du coup, comme dans la musique, je ne comprends absolument pas ce qui se passe et je ne vois pas du tout le contenu de la musique, je ne m'intéresse pas du tout à la musique. Et ce qui l'intéresse, évidemment, vous connaissez ses analyses sur la statuaire, sur le Gardiva de Jensen. C'est toujours cette idée, très partagée encore aujourd'hui, je sais, peut-être même dans cette audience, elle est partagée, l'idée que l'art a un contenu qui est différent de la forme. Et donc, que lorsqu'on écoute un morceau de musique, comme on vient de l'entendre, on n'a entendu qu'une forme musicale qui ne sert qu'à exprimer un contenu dont elle diffère, contenu qui est ou bien politique, ou bien inconscient, ou bien sexuel, ou bien autre chose. Et donc la tâche du critique, et notamment du psychanalyste, serait de déchiffrer cette œuvre pour faire jaillir ce contenu crypté ou caché, volontairement ou involontairement, évidemment. Je ne pense pas que ce soit le cas. Et d'ailleurs, plus je pense à cette pseudo-distinction forme-contenu, plus je la trouve vraiment... je cherche mais un mot vous gentil. Vous la pensez caduque ? C'est joli, caduque, ça va. Non, mais aberrante. Caduque, je ne comprends même pas ce que musique, ça veut dire. Pour la musique. Non, je... Pour tout, là. J'ai commencé avec la musique en me disant, effectivement, on ne peut pas imaginer que les formes musicales, les arrangements sonores cachent un contenu autre que musical. Même si, évidemment, comme le disait Elisabeth à l'instant, il y a des contenus, des pensées, des désirs, toute une histoire dans l'art, chez l'artiste qu'il voudrait plus ou moins exprimer. Mais de là à penser qu'un artiste se dit « Tiens, je vais composer une pièce pour critiquer le système capitaliste. Et pour cela, je vais la faire en mineur. » Enfin, c'est faire beaucoup même un peu porter aux mineurs. Oui. Oui. Mais de la même façon que tous les lapsus ne sont pas révélateurs, tous les rêves ne sont pas significatifs, comme vient de nous le rappeler Jacqueline Carrois, vous en déduisez que ceux des rêves qui seraient significatifs signifieraient peut-être toujours la même chose, à savoir ce qui se laisse signifier, ce qui veut bien rentrer dans l'ordre de l'interprétation. Alors là, vis-à-vis de la théorie freudienne des rêves, que je trouve très intéressante, je dirais, et ça je pense qu'on peut le dire sur Freud en général, qu'il y a un petit problème d'universalisation chez Freud. Dans ce désir un peu 19e siècle de faire une science qui fait qu'il estime qu'absolument tous les rêves ont une signification et que toutes ces significations sont latentes, donc cachées, à moins de faire des rêves enfantins, mais qu'il y a toujours quelque chose à chercher en interprétant les rêves. Je serais d'accord jusqu'à un certain point. Je ne sais pas si vraiment on peut dire ça d'absolument tous les rêves. Je ne pense pas. Et je serais d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a des rêves qui, effectivement, ne signifient pas grand-chose. Où il y a juste des images. Et je pense qu'on va revenir Jacqueline là-dessus. Carrois, oui. Je voulais juste dire que cela est quand même confirmé par l'histoire. C'est-à-dire, quand on est historien des rêves... Ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de voir combien les rêves, d'abord, ont des sens différents selon les époques, selon les cultures, et puis quelquefois, selon ça veut rien dire, et c'est noté un peu comme ça. Donc, je crois vraiment que... Moi, j'ai fait le trajet, disons, de partir de Freud, et petit à petit, je me suis dit, mais il faut revenir à toute une histoire des rêves. Je suis historienne, c'est vrai, mais... Qu'est-ce qu'on disait des rêves dans l'Antiquité ? Qu'est-ce qu'on disait au Moyen-Âge, par exemple ? Et il y a toute une recherche actuellement sur l'histoire des rêves. Il y a des historiens qui s'intéressent à l'Antiquité, au Moyen-Âge, à l'époque, au XVIIe, XVIIIe. Et Freud a en quelque sorte occulté toute cette richesse d'une histoire à laquelle je trouve intéressant de revenir. Vous voyez, par exemple, le rêve de Prévost, je le trouve assez, assez intéressant et assez drôle. Et je ne pense pas qu'on ait besoin de l'interpréter de façon freudienne. On va y revenir sur les différences interculturelles, oui. Parce qu'il peut y avoir entre les façons, oui, même de rêver et l'importance que l'on donne au rêve. Pour boucler sur cette question de musique qui n'est pas transitive dans ce qu'elle peut produire en termes de sens, vous écrivez dans Traité des apparences « Si je devais ressentir à l'écoute d'une sonate de Mozart un sentiment on ne peut plus courant, disons celui de la perte d'une amoureuse, je ne vois pas en quoi la musique de Mozart serait différente de n'importe quelle autre musique qui se proposerait de transmettre un tel sentiment, ni de n'importe quelle autre forme d'art, ni même du mot qui sert à le désigner. » Donc ça veut dire que vous ne dites pas qu'importe la musique pour peu qu'on ait le frisson, vous dites plutôt que la musique ne traduit pas un frisson, mais est même autre chose qu'un seul vecteur d'expression de sentiment. Je dirais que, pour revenir justement à ce mot d'interprétation, je pense que c'est bien le mot qui fâche. Enfin, il faut toujours interpréter, et interpréter, ça veut dire, quand on écoute quelque chose, ça veut dire autre chose. Et je pense que cette tendance à interpréter, et dans les rêves, et dans l'art en général, et dans la musique, vient d'une espèce d'incapacité d'accepter que les choses sont ce qu'elles sont, simplement. Les rêves sont parfois des rêves, uniquement, et de la musique, c'est de la musique. Et ce que je veux dire avec ce très beau passage que vous avez lu, c'est que si on cherche une interprétation dans la musique, si on cherche dans la musique autre chose que de la musique, et si on prétend que la musique traduit des émotions qu'on peut éprouver dans n'importe quel autre moment, c'est qu'on ne comprend pas ou qu'on n'arrive pas à éprouver soi-même des émotions musicales. Je veux dire, on ne s'aperçoit pas qu'il existe une émotion exclusivement, spécifiquement musicale, qui est produite par des idées musicales, c'est-à-dire des arrangements sonores. Et je dirais d'ailleurs qu'il en va de même dans toutes les formes d'art. Voilà. Vous opinez, Elisabeth Brisson? Oui, parce que Berg, il a pris la musique pour exprimer son désir. Enfin, exprimer, c'est pas. C'était son désir, c'était son être au monde qui était musique. Et il a été. Après, tout est prétexte. Hein, mais c'était la combinaison sonore, comme vous dites. C'est ce qui le frappe, là. C'est la sonorité, le clang, comme il dit. Et c'est ce qui, pour lui, c'est comme vous dites, c'est pas de la signification, c'est une façon d'être au monde. Et c'est sa façon à lui de se trouver. Et vous dites très bien que c'est un prétexte. Oui. Et quand on lit, par exemple, les entretiens de Hitchcock avec Truffaut. C'est ce qu'il appelle le MacGuffin, c'est-à-dire il faut faire qu'un film parle de quelque chose, oui. Enfin, mais on s'en fiche un peu de quoi. C'est, l'essentiel, c'est de faire du cinéma, et le cinéma n'est pas l'histoire, c'est pas le scénario. Voici une musique qui est censée être gorgée de désir, puisqu'il s'agit de l'ouverture de Don Giovanni de Mozart. Vous écoutez Métaclassique, une émission de David Christoffel. Orchestra dirigé par Leonardo Garcia Alarcón dans cet extrait de l'ouverture de Don Giovanni de Mozart. Chacun peut y cristalliser quelque chose ou pas. Jacqueline Carrois, on disait que tous les rêves n'ont pas lieu d'être décryptés et que c'est une question qu'on se pose depuis l'Antiquité. Déjà, Homère faisait la différence entre, oui. Entre quoi et quoi ? Les portes de corne du rêve et les portes d'ivoire. Alors, c'est dans l'Odyssée. C'est un rêve de Pénélope, si j'ai bonne mémoire. Là, je cite de mémoire. Et en fait, il y a des rêves, selon Homère, qui passent par des portes de cornes. Et c'est les rêves véridiques. C'est les rêves qui disent vrai, ce qui sont prémonitoires. Et puis, il y a les rêves donc, qui passent par des cornes, des portes d'ivoire, et qui sont insignifiants, pas intéressants et même mensongers, on pourrait dire. Enfin, donc toute cette distinction, elle va se prolonger pendant toute l'histoire occidentale. Vous la retrouvez chez Nerval, par exemple, hein, dans Aurelia. Et c'est donc, et vous la retrouvez aussi à certains égards, mutatis mutandis, dans d'autres sociétés que les nôtres, parce que je pense que les anthropologues sont tributaires de leurs informateurs. Leurs informateurs, qu'est-ce qu'ils leur racontent? Ils leur racontent des beaux rêves. et pas les rêves de tous les jours, pas les rêves ordinaires. Or, on trouve cette distinction-là aussi, à certains égards, dans certaines sociétés, on la retrouve aussi, bien sûr, chez Artemidore. Hein. Il y a les rêves naturels pour Artemidore, et il y a les rêves qui signifient, qui ouvrent sur un avenir. Et les rêves naturels, eh ben, ça peut être des rêves de désir, de besoin, etc. Et dans les interprètes de rêves, il y a une figure peut-être inattendue, il y a saint Augustin. Oui. Donc, alors, saint Augustin, c'est le premier qui s'intéresse, enfin le premier, non, il s'intéresse aux rêves érotiques. C'est-à-dire qu'il s'inquiète du fait qu'il est donc maintenant devenu chaste, enfin il a eu une vie un peu dissolue, et puis, mais il continue d'avoir des rêves érotiques. Et c'est dans les confessions. Malgré son désir de son vœu de chasteté. Et là, il n'y peut rien. Oui. Et ça pose la question du rêve érotique qui va se poser tout le temps dans la pastorale catholique. Hein. C'est-à-dire que ça va être notamment la question qui va se poser à propos des curés. Hein, les clercs, alors les clercs, ils peuvent faire des rêves érotiques. Alors qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'il faut les absoudre? Est-ce que c'est un péché véniel, mortel, etc. Et ça a un nom particulier, ce type de rêve, et vous trouvez ça dans les traités, dans les dictionnaires. Mais toutes les religions ne sont pas égales par rapport aux rêves. Mahomet fait des rêves prémonitoires, Confucius fait des rêves, mais Jésus ne rêve pas. Ah ben ça, c'est une particularité occidentale, et je pense extrêmement intéressante, parce que ça veut dire que dès le départ, en Occident, on minimise et on dévalorise les rêves, même si par ailleurs, il y a des clés des songes, etc. Les mathématiciens qui ont des intuitions créatrices en plein rêve, ça arrive quand dans l'histoire? Alors, y a une enquête au XIXe siècle qui est faite là-dessus, et qui, les réponses sont ambiguës parce que les mathématiciens répondent souvent en disant « je ne fais pas une découverte en rêve, mais je me vois plutôt au tableau en train d'écrire des équations, par exemple. Hein. » Et les rêves où j'ai fait une découverte, c'est des rêves de jeunesse, des sortes de rêves un peu initiatiques, on pourrait dire maintenant. Donc, mais ce questionnaire donc, qui est fait dans le cadre des enquêtes de la fin du XIXe siècle par un certain Maillet, c'est début 20e et tout début 20e, enfin peu importe. Et donc elle est tout à fait intéressante parce qu'on voit un grand nombre de mathématiciens de l'époque qui répondent et qui connaissent bien d'ailleurs les théories psychologiques, parce que c'est toujours la même histoire. En fait, on rêve en fonction des théories du rêve. On n'est pas tout à fait neutre et innocent par rapport au rêve. C'est-à-dire qu'on a accusé les patients de Freud de rêver freudiennement. Hein, par exemple, mais à l'époque. Précisément, c'est-à-dire qu'il y a un auto-conditionnement qu'on se fait vivre en rêvant, de là à parfois même viser un état un peu rêveur au sein même d'un état d'éveil. Ça peut être ce qu'on appelle l'état de conscience hypnagogique. Oui, alors non, l'état hypnagogique, c'est donc un état dans lequel c'est le moment charnière entre la veille et le sommeil. C'est le moment où on s'endort et on a des visions. C'est un mot qui est créé par Alfred Maury. Ensuite, maintenant, les physiologistes actuels parlent aussi d'états hypnopompiques, vous voyez, je le prononce mal, pour les états du réveil. Parce qu'au réveil aussi, on est un peu entre sommeil et veille. Et donc ça peut être propice à créer de la musique. Avant les surréalistes, il y a par exemple Saint-Saëns qui visait des états de conscience particuliers pour écrire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire que c'est dans des états hypnagogiques, enfin c'est ce que, dans l'enquête, c'est ce qui apparaît aussi, c'est dans ces états-là, parce qu'il y a eu beaucoup d'enquêtes sur la création, et par exemple, le rêve de Tartini a été présenté effectivement comme un rêve créateur, comme un rêve d'invention. Parce qu'il y a aussi une catégorie de rêves dans l'histoire des rêves qui sont les rêves d'invention. Thank you. aquarium extrait du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Jacqueline Carrois, on disait qu'il y avait un effet de l'analyse des rêves sur les rêves eux-mêmes. C'est-à-dire, plus on note ses rêves, plus on rêve qu'on rêve. Oui, c'est ce qu'on appelle les rêves lucides actuellement. Enfin, les rêves dans lesquels on est conscient de rêver. Et effectivement, ça développerait cela. Et plus on les note, et plus on s'en souvient, en quelque sorte. C'est aussi le point important. Mais vous qui êtes historienne des rêves, ouais, par exemple, vous rêvez de plus en plus que vous êtes historienne des rêves? Non, pas vraiment. Mais ça m'est arrivé, effectivement, de faire des rêves dans lesquels je me disais, je rêve comme au 19e siècle. Je me réveillais. Mais c'est quoi rêver comme au 19e siècle? Alors, l'un des topos qu'on n'a plus du tout maintenant, hein. Enfin, plus du tout, non, j'exagère, mais c'est le rêve de. Il y a un rêve de Bergson qui est tout à fait un rêve 19e siècle. Bergson, dort. Enfin, c'est ce qu'il raconte, et il entend un chien aboyer, et son rêve, c'est qu'il est dans une assemblée où il est hué, et où on dit à la porte, et il se réveille, et il y a le chien qui aboie dehors. Et donc, moi, ça m'est arrivé une fois de me réveiller, il y avait du bruit dehors, et ça m'a donné un rêve, et je me suis réveillée en me disant, mais c'est un rêve comme Bergson et comme au 19e, parce qu'on ne fait plus du tout ce type d'analyse des rêves, ou très peu. Actuellement. C'est quoi un rêve du 21e siècle? Alors, ben, ça pourrait être un rêve freudien, ça pourrait être un rêve physiologique aussi, enfin, un rêve, vous voyez, avec le sommeil paradoxal. On se dit, oh là là, j'étais en sommeil paradoxal, puisque maintenant, une des hypothèses, c'est de dire qu'on est en sommeil paradoxal. Enfin, vous voyez, donc, je crois qu'il y a d'autres. Je pense qu'actuellement, la psychanalyse est un peu en déshérence, et c'est d'ailleurs. Pas une bonne chose forcément, hein, mais et maintenant c'est la physiologie qui l'emporte. Hein, bon. Est-ce que vous vous intéressez à ce qu'on fait en méditation qui semble être une espèce de rêve éveillé dirigé? Je ne connais pas bien et j'avoue que... Mais enfin là, c'est une question d'ignorance. Hein. Mais ce qui nous emmène à la question des rapports entre rêver et penser, Santiago et Spinoza, est-ce que rêver c'est beaucoup plus que penser? Et comme on a... l'habitude de considérer qu'il faut plus de conscience pour penser que pour rêver, il faudrait peut-être dire, est-ce que rêver est vraiment moins que penser? On a plus de conscience pour rêver que pour penser. On a l'impression qu'il y a une hiérarchie de clairvoyance qui est quand même au profit de la pensée par rapport au rêve. Je ne sais pas. Disons que je ne pense pas que rêver et penser soient la même chose, déjà. Et d'ailleurs, par le verbe penser, on entend des tas de choses et parfois assez contradictoires. On dit je pense à rien, ce qui ne veut rien dire. On pense que penser, c'est juger. Je pense que ceci ou cela, c'est-à-dire je pense que telle chose est vraie. Penser, on l'associe à raisonner, à attribuer quelque chose à quelque chose d'autre. Et on peut penser aussi, c'est ce que je dis dans ce livre que vous avez là, qui s'appelle L'impensé, que penser, pour certains, ce n'est qu'avoir présent à l'esprit. Pour Parménide, par exemple. Et rêver, c'est quelque chose d'assez différent. C'est-à-dire que j'ai présent à l'esprit des choses, bien sûr, je vois des images, je vois des histoires, des scènes, j'entends des sons. Il m'est arrivé de composer deux pièces de musique assez mauvaises pendant mes rêves. Une, c'était une chanson brésilienne. Tiens. Et l'autre, c'était un début de Requiem. mais ce n'est pas pensé. Je ne pense même pas que ce soit vraiment un acte tout à fait créateur au sens propre. Quoique, enfin, bon, la composition est quand même... presque faite, mais je pense que le rêve qu'on prend nécessairement pour la réalité quand on rêve, à moins de faire des rêves lucides, où on se rend compte qu'on est en train de rêver, mais je trouve que cela reste assez rare, contrairement à ce que disent les élèves maintenant à chaque fois qu'on parle des rêves. Moi, il m'est arrivé deux ou trois fois seulement de ma vie de me rendre compte que j'étais en train de faire un rêve. Et quand on rêve, on voit une sorte de réalité, mais dans laquelle on a peu d'influence soi-même. C'est une sorte de vie parallèle qui vous est imposée, mais vous ne pouvez absolument rien faire. Un rêve vous êtes imposé par vous-même, mais votre volonté y est nulle, votre capacité d'incidence y est nulle. Donc je trouve que c'est une activité de l'esprit assez étrange, sui generis, c'est-à-dire il ne ressemble pas vraiment à notre perception courante. Et donc j'ai du mal à me dire que nous pouvons faire des tas d'opérations que nous faisons dans la vie quotidienne lorsqu'on rêve, c'est-à-dire réfléchir ou faire des découvertes mathématiques pendant le rêve. Mais c'est, voilà. C'est précisément ce que vous décrivez là qui laisserait penser que la musique nous mettrait quand même plus du côté du rêve que de la pensée. Bah, je dirais là encore que l'acte créateur, l'acte de l'artiste qui compose une œuvre musicale, est là aussi un acte sui generis. Enfin, quand on compose, on ne pense pas à sa copine ou au système politique. On pense à des sons. Berg, il pense à sa copine, apparemment. Oui, mais en parallèle. C'est ça. Parallèle. C'est-à-dire, je peux me dire, bon, enfin, comme je disais tout à l'heure, en rigolant un peu, en pensant à Luciano Berio, par exemple, qui est un excellent compositeur, mais qui avait des idées un peu banales, quoi. Enfin, bon, on va critiquer le capitalisme, comme je disais tout à l'heure. Ah, des idées politiques, oui. Pas des idées musicales. Voilà. Oui. Et donc, on peut avoir des idées musicales géniales, et en même temps, croire, même être persuadé que ces idées musicales ont un rapport quelconque avec les idées un peu courantes ou banales qu'on a par ailleurs en politique ou des sentiments amoureux ou romantiques ou autres. Je ne pense pas que l'élément qui permet à l'artiste de composer ou de créer quelque chose vienne d'ailleurs que de l'art lui-même. Je pense que le musicien compose déjà avec des idées musicales, comme le peintre pense déjà en couleur et en texture, quoi. Donc je pense que ce sont des activités mentales différentes qu'on ne peut pas vraiment confondre. Jacqueline Carrois. Oui, moi je voudrais dire que le rêve n'est pas seulement un phénomène privé. C'est-à-dire que c'est un phénomène qu'on socialise toujours. Les animaux rêvent, moi je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'ils font pas les animaux? Ils racontent pas leurs rêves, ils en font pas des supports de croyances par exemple. Or, moi en tant qu'historienne, je travaille sur des rêves, et tout le monde en fait, travaille sur des rêves racontés, publiés, notés, etc. Donc ça me paraît vraiment très important, que le rêve humain est un phénomène privé et tout à fait mental, mais aussi un phénomène qui est divulgué. Sinon, il n'y a pas de rêve. Un rêve qui n'est pas raconté, il n'existe pas, en quelque sorte. Enfin, d'une façon ou d'une autre, hein, pas divulgué, etc. Et ça me paraît le point très important. Et moi, je suis très prête à penser que mon chat rêve. Je le pense très volontiers, mais simplement, il ne me raconte pas ses rêves et il ne le raconte pas à ses congénères. Et ça, c'est important. C'est pour ça que vous n'en faites pas de livre, hélas. Des rêves de votre chat. Eh ben non. Bon. Mais j'ai mis des chats dans mon rêve, quand même. J'ai mis des rêves de chats du 19e. Ah, quand des humains rêvent de leur chat. Ou oui, de chats. Ça. Oui. Quand les humains rêvent de leur chat, et là, j'en ai plusieurs exemples. Est-ce que les traditions interprétatives peuvent changer? C'est-à-dire, est-ce que rêver de chat, ça a le même signe quand on est au 16e siècle, au 19e? Alors oui, mais si vous voulez, rêver de chat, par exemple, dans les Clés des songes, en général, c'est mauvais signe. Hein. C'est le chat est un animal sournois, contrairement au chien dans les Clés des songes, enfin, que j'ai consulté. Hein. Et je pense que c'est la même chose chez Artémidore. Mais c'est vrai qu'il y a une évolution des Clés des songes, mais très très lente. Alors, par exemple, vous voyez au 19e siècle apparaître des entrées qui, évidemment, ne sont pas chez Artémidore. Par exemple, l'entrée guillotine. Voilà, ça c'est évidemment, c'est marqué, Artémidore oui. Parle de décollation, rêve de décollation, hein, c'est adapté au 19e siècle, et alors on reprend les interprétations d'Artémidore, mais sur la décollation, et en même temps, on peut parler aussi de guillotine. Mais rêver de musique alors, c'est bon ou mauvais signe? C'est plutôt bon signe. Enfin, de ce que j'ai lu, attendez. Même si c'est de la musique de basse qualité. Alors, il y a une Clé des songes qui a été la Clé des songes l'une des plus divulguées au 19e siècle, et elle est sous pseudonyme. Mais je crois avoir trouvé le pseudonyme de l'auteur, et c'était un type qui s'intéressait à la musique. qui était un musicien, qui s'intéressait au théâtre aussi. Et effectivement, dans cette clé des songes, musique, c'est plutôt bon signe. Violon aussi, par exemple, si vous rêvez de violon. L'orchestre symphonique de la radio de Baden-Baden, dirigé par Hans Rotzbaud, dans la deuxième des trois pièces pour orchestre opus 6 de Alban Berg. Il s'agit de Reigen, c'est inspiré de la ronde de Schnitzler. Elisabeth Brisson, là, il y a une volonté de contourner la censure et le recours à une musique onirique qui ne sont pas forcément liées, ou pas directement. Tout le problème, c'est dans le, pour comme on parle de rêve, il faut quand même vraiment, vraiment bien distinguer entre ce qu'est le récit, qui est le contenu manifeste et qui est construit comme on peut. C'est-à-dire qu'on a eu des éléments bizarres qui vous sont arrivés en vous, et bien comment le restituer? Donc on le restitue avec les moyens du bord, qui eux-mêmes sont souvent porteurs de, d'autres choses. C'est-à-dire que si on utilise... telle image, le chat par exemple, ça veut pour le rêveur, ça veut dire quelque chose, mais pas pour une clé des songes, parce que tous les rêves sont tout à fait personnels. Et si Freud a étudié le rêve, il a étudié le travail du rêve, comment le rêve condense plein de scènes, comme quand on raconte le rêve, hein, et comment est-ce que il déplace, c'est-à-dire que j'adore ma maman dans le rêve, et bien en fait c'est parce que je la déteste, hein. Il y a un déplacement qui fait que on rêve, oh là là, c'était formidable, j'ai eu ma maman, j'ai fait un gros bisou, mais en fait c'est exactement en l'inverse. En fait, c'était pas ma maman. Oui, en plus c'était... Bon, donc il faut vraiment, vraiment distinguer ce qui est de l'ordre du récit, qui effectivement peut être historiquement lié à un contexte, hein, et puis ce qui est le propre du rêveur et qui n'a rien à voir avec une clé des songes. Pour conclure, qu'est-ce qu'il faut dire? Que en fait, on ne rêve jamais quand on écoute de la musique. De la même façon que quand on est avec Freud, on travaille sur son rêve, mais c'est une autre activité. Enfin, moi, je pense que les rêves de Freud ne sont pas des rêves, ce sont des rêves à deux. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'analysant et l'analyste et que c'est des rêves à deux. Hein. Donc, je crois que ça, c'est important. Ce n'est pas des rêves du fort privé, c'est des rêves qui sont divulgués à l'analyste et qui sont travaillés avec l'analyste. C'est un dialogue. C'est un dialogue. On peut, je ne sais pas, ce n'est pas le problème, mais je dis simplement que c'est des rêves à deux. Le concept de rêver chez Freud n'a pas la même signification que pour le reste des êtres humains. Non, sincèrement, parce que quand on raconte un rêve, et je suis tout à fait d'accord que le critère... pour savoir si on a rêvé ou pas, c'est qu'on raconte un rêve. Et on peut inventer aussi un rêve. Proust invente des rêves dans la recherche. Oui, mais oui. Oui, mais bon, ce que je veux dire, c'est non, que... ce que je veux dire, c'est que quand on raconte un rêve, déjà, il n'y a pas de distinction entre la subjectivité et l'objectivité. Tout se passe en moi. Donc, il n'y a pas de possibilité de vérification que telle ou telle chose se sont passées. Et donc, on ne peut pas dire à quelqu'un, non, tu as rêvé de ça, mais ça signifie autre chose. Ça n'a lieu que chez Freud. Cette idée que ce dont on a rêvé est quelque chose de différent que ce qu'on a vu, c'est un concept propre à la psychanalyse, propre à Freud. Ça avait lieu aussi dans les clés des songes. Je veux dire, c'était sans doute moins sophistiqué que chez Freud, mais on vous disait bien... Aussi un travail. Il y avait un travail éventuellement de décryptage dans les rêves allégoriques. Non, c'est juste un petit détail. Oui, tout à fait, oui. Mais en tout cas, quand on écoute de la musique, pour essayer de répondre à cette question difficile, personnellement, je ne rêve pas. J'écoute de la musique et j'éprouve des sensations et des émotions, mais je ne vois pas beaucoup de choses. Pour moi, la musique ne crée pas beaucoup d'images. Et vous, Elisabeth Brisson, en revanche, oui, vous rêvez. Non, pas du tout. La musique, c'est la musique. Et surtout pas d'images, surtout pas de... Il y a le Gesamtkunstwerk de Wagner, hein, mais c'est autre chose. Il y a Fantasia aussi de Walt Disney, qui m'a gâché pas mal de morceaux pendant plus de 20 ans. Non, la musique, c'est la musique. Il faut avoir les moyens d'écouter, d'entendre, de suivre une phrase, d'entendre un timbre, de se spatialiser. Il faut beaucoup, beaucoup réécouter une œuvre pour... pouvoir la restituer en tant que musique et non pas en tant qu'autre chose qu'elle n'est pas. Merci beaucoup Elisabeth Brisson, merci Santiago Espinoza, merci aussi à Jacqueline Carrois, et puisque c'était la première fois que nous enregistrions Métaclassique en public, merci au public réuni à la BPI, la Bibliothèque publique d'information qui nous accueillait, merci à elle. Merci à toi David.